une gravure fantastique. Ce spectre singulier n'a pour toute toilette, grotesquement campé sur son front de squelette, qu'un diadème affreux, sentant le carnaval. Sans éperon, sans fouet, il essouffle un cheval, fantôme comme lui, rosse apocalyptique qui bave des naseaux comme un épileptique. Au travers de l'espace, ils s'enfoncent tous deux et foulent l'infini d'un sabot hasardeux. Le cavalier promène un sabre qui flamboie sur les foules sans nom que sa monture broie et parcourt, comme un prince inspectant sa maison, le cimetière immense et froid, sans horizon, où gisent aux lueurs d'un soleil blanc et terne les peuples de l'histoire ancienne et moderne.